soft breath, gentle hum. Les clochons rouillés sous la pluie noire, les saints se sont pendus dans le dernier couloir. Me suis lavé dans l'eau d'un puits sec, à genoux sur des cendres, je priais en mai. Chien pris plus dans ce monastère en rue, le ciel s'effrit, il reste la rouille divine. J'ai gravé mon nom sur des planches moisies, et les anges m'ont ri dessus, ivre et pourri. La croix s'est couchée sous le poids des mensonges. Y avait plus de Dieu, des gongs et des songes. Le feu m'a baisé sans me laisser de marque, mais le souffle des morts m'a rendu bas. Keep the fire burning strong. C'est sur l'autel, le regard vers l'ouest. Un corbeau m'a dit, j'étais le dernier prêtre net. Les vitraux sont tombés comme des vérités, et j'ai dansé nu au fond de la cité. Le vin est devenu poison dans ma bouche, mais je bois encore, je suis pas une souche. Le tambour frappe au rythme de mes faux, et les sœurs chantent main sur la côte. Prêcher l'amour avec des balles rouillées, pour faire la paix en marchant sur des clous cloués. Mais je suis qu'un prophète à la dérive, un radeau de chair dans une mer maladie. Ils ont gravé des psaumes sur les murs du bon cœur, mais y avait plus d'encre que du sang et du bon cœur. Les gauches chantent faux, mais c'est tout ce qu'on a, un gospel de roue que se fredonne sous la cave. C'est ça, dernier serment, juste un râle dans un vieux canon. Frappez vos mains, mais pas pour prier. Dansez sur les sons, pas pour oublier. Y a plus de saints que des types comme moi, et la voix qui s'élève, c'est juste ma voix. Stand your ground, keep the light, even when the day turns. portons le feu dans la nuit noire. Phare dans flamme d'espoir, aucune ruine ne pourra éteindre les histoires que nos voix teignent. Nous marchons ensemble, côte à côte, à travers terre brisée, notre route. Dans chaque cœur, la flamme reste témoignage au-delà des gestes.